a tous quelqu'un, quelque chose que l'on chérit, que l'on aime. Je vais vous parler en prose de la seule, de la mienne. Si je suis au pied du mur, elle sera ma détente. C'est un peu contre nature, mais j'aime ma tante. Ma tante, elle est jolie, elle est même super belle. Elle ne craint pas la pluie, mais préfère le soleil. Ma tante, elle est légère, je la porte sur mon dos. Elle ne manque pas d'air, elle est un petit peu marteau. Ma tante, moi, je la monte. Ma tante, et puis je la démonte. On se barre en voiture, et moi je perds la tête. Quand ces toutes fines voilures s'agitent et me font la fête, je l'attache fort en serrant bien les nœuds et les ficelles. Je pénètre à l'intérieur pour la soupe de vermicelle. Ma tante, moi, je la monte. Ma tante, et puis je la démonte. Promis, je ne te mens pas, un soir bien trop arrosé, eh ben on l'a monté à 3 et on s'est même pas mouillé. Et le lendemain à 7, ouais c'était exagéré. J'y ai laissé une chaussette et ma tante s'est cassée. Ma tante, moi, je la monte. Ma tante, et puis je la démonte. Ma tante, je pense à toi, qui n'étais pas citadine. Je n'ai plus qu'un bout de toi et un paquet de sardines. Ma tante, ma tante.